Industry-ready production. PSBeats.com. Make your purchase now. J'écris, je pleure, mélodie d'une rancœur. Ma vie, mon empereur, mes choix, mon empire. Ma crise de douleur, on le voit et ça s'empire. Plus je ris, plus j'ai peur de tomber dans le pire. Ma cicatrice existe depuis que je respire. Mon nombril baptise, mon premier expire. J'ai peur du bonheur, peur d'adorer la vie. Au point que mon heure devienne une belle histoire horrible. Cinéma, popcorn, amour et bisous. Partie de kick, partie de claque, mais souvent partie de foot. Des matchs dans la rue, les équipes prometteuses. Clémenceau à Roustan, compétition rigoureuse. Mais je vis ma vie comme sang et vampire. Transpire des yeux, soupir du cœur et vive ma vie de 107-8 amis, potos, connaissant ses couleurs. Je me demande où est passée ma vie que j'aimais. Je me demande où est passée les souvenirs sans regret. Je me demande où es-tu passé, vie que j'aimais. Puis-je te demander où es-tu, vie que j'aimais, où es-tu, celle que j'aimais, où es-tu, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu, vie que j'aimais, où es-tu, celle que j'aimais, où es-tu, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu. Danser, danser, et ne plus penser, penser. Être en transe étrangère et de tenter l'impossible. Danser, danser, et ne plus penser, penser. Être en transe étrangère et de tenter l'impossible. Demi-sœur, frérot, cousin, cousine, parents, bien sûr, et toute la famille. Les soirées, les rires, les blagues et les vannes, les olé, la musique, les gags, les champagnes. Et je pense et repense, nostalgie, tu me tiens comme ma main dans sa main. Bien sûr, je me souviens, les balades en été, au bord de scène, entre potes et bébés. L'ambiance était si zen. Je me demande où est passée ma vie que j'aimais. Je me demande où est passée les souvenirs sans regret. Je me demande où es-tu passée, vie que j'aimais. Puis-je te demander, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu, vie que j'aimais, où es-tu, celle que j'aimais, où es-tu, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu. J'ai envie de partir loin et fonder ma famille. Être le Romain que je rêve chaque nuit. Être celui que tu n'as pas découvert. L'âme sensible et non pas le double R. J'ai envie de partir loin et fonder ma famille. Être le Romain que je rêve chaque nuit. Être celui que tu n'as pas découvert. L'âme sensible et non pas le double R. Où es-tu, vie que j'aimais, où es-tu, celle que j'aimais, où es-tu, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu, vie que j'aimais, où es-tu, celle que j'aimais, où es-tu, ma femme à jamais, où es-tu, souvenir sans regret, où es-tu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu?